Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Bonjour, merci d'être avec nous. Et bienvenue les 8h. C'est RTL2. Et les infos, c'est tout de suite avec Fabienne Terkaev. Bonjour Fabienne. Bonjour Justine, bonjour à tous. Une enquête ouverte sur la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Après une plainte d'élus de droite, la justice se penche sur un soupçon de détournement de fonds publics afin de déterminer si la métropole et la ville de Lyon, fief du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ont effectivement financé la campagne d'Emmanuel Macron. Dans leur plainte, les élus estiment que le candidat Macron a bénéficié de moyens humains, financiers et de matériel à des fins électorales et partisanes. Emmanuel Macron qui sera au Vatican aujourd'hui. Le chef de l'État rencontre pour la première fois le pape François. Il vient chercher son titre de premier et unique chanoine d'honneur de la cathédrale du pape. Une tradition qui remonte au XVIIe siècle et au roi Henri IV. Il rencontrera donc le pape, mais il ne faut pas y voir une entorse à la laïcité selon l'entourage du président. Harley Davidson veut quitter les États-Unis. Le constructeur emblématique de motos américaines a annoncé hier délocaliser une partie de sa production. Il souhaite ainsi échapper aux tarifs douaniers à la hausse instaurés par Bruxelles et en représailles à ceux de Washington. Harley vend quelque 40 000 motos par an en Europe, son deuxième marché après les États-Unis. Donald Trump a réagi dans un tweet se disant surpris de cette délocalisation alors qu'il estime avoir bataillé dur pour eux. La fin d'Autolib est actée. Le service de location de voitures électriques s'arrêtera à Paris le 31 juillet. Le contrat entre le groupe Bolloré qui gère Autolib et le syndicat de communes dont Paris a été résilié. Les gestions du parc automobile ont généré près de 300 millions d'euros de déficit dont les deux parties se rejettent la responsabilité. Les 254 salariés seront reclassés. Et puis en foot, ça passe pour l'Espagne et le Portugal dans le mondial. On connaît la première affiche des huitièmes de finale. L'Espagne jouera la Russie et le Portugal défiera l'Uruguay. Place à la France aujourd'hui qui joue face au Danemark à 16h, heure française. Et du côté de la couleur du ciel, aujourd'hui c'est encore un grand soleil qui s'annonce sur tout le pays. Le bleu s'imposera dès ce matin sur toutes les régions. On pourra avoir dans l'après-midi quelques passages nuageux du côté du territoire de Belfort et également sur les Alpes et les Alpes du Sud. Deux ou trois nuages, mais pas vraiment de mauvais temps à l'horizon et ils se dissiperont même en soirée. Le temps sera donc très beau partout ailleurs et ça se confirme jusque sur la fin de la semaine. Les températures en ce moment, 12 degrés à Strasbourg, 13 à Lille, 15 à Lyon et Rennes, 17 à Paris, 21 pour Nice et dans l'après-midi de 21 à Cherbourg à 32 pour Bordeaux. Tous les matins de 6h à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Hey Lily, raconte-nous. When she was 22, future looked bright. What if duo avec Ours, c'était 22 sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL2 de 6h à 9h. 8h06. Je vais le faire en chantant. D'accord, si tu veux. Bon, bonjour à tous. Salut Greg. Bonjour Justine. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Rendez-vous dans 50 minutes. Toi. Exactement, 8h55, le top 3 de l'actualité. Bonjour Jérémy. Bonjour les amis. Il réalise l'émission avec fierté car il aime travailler tôt le matin. Ah, j'adore ça. Ah, ouais, c'est sa passion. Surtout avec vous en plus. Oh, il est mignon. Ailleurs, il n'y aura pas d'augmentation. C'est pas grave. D'accord. L'argent m'importe. Mais tu sens la sincérité en plus dans ses yeux, oh, mon Jérém. C'est parce qu'il veut manger encore plus de chocolatine et de croissants. Bonjour Max, qui est dans les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Tiens, vous savez comment plaire à l'autre? Je vais vous le dire. Vas-y. À l'autre qui? Bah, à l'autre, Jonathan, dans façon philosophique, l'autre. D'accord. L'autre. Alors, comment? Inutile d'avoir des mensurations parfaites pour être attirante ou attirant, nous dit Femme Actuelle. Selon une étude scientifique britannique, la façon de marcher et d'onduler joue sur l'attirance. Ce qui plaît, quel que soit le tour de taille ou la longueur des jambes, ce sont des hanches en mouvement et des petits pas. Des hanches en mouvement et des petits pas. Oui, il faut bien marcher, quoi. Faut onduler. Petite parenthèse que je trouve très moche, c'est les filles qui portent des talons et qui ne savent pas marcher avec des talons. Dans ces cas-là, mettez du plat. Voilà. Des hanches en et des petits pas. Je ne rentre pas dans cette polémique. Ah non, elle a un vrai combat. Bah non, mais ouais, c'est vrai. Ouais, là, elle est en moi, lutte. Du coup, je ne porte pas des talons de 12, je ne sais pas marcher avec. Des hanches en mouvement. Rebellion. Petits pas. Voici Police sur RTL de Walking on the Moon.

properly. Leave the body of my soul to be a part of me. I do what it takes, whatever it takes. Deux titres de Maroon 5 à la suite. Appelez RTL 2 au 3228 et partez pour leur concert à New York. Somebody's me. I'm not afraid to try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. I put her on, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, cause I won't say goodbye anymore. Oh, oh, oh. Whoa, whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. It's alright. My pressure on your hip, I'm sticking my fingertips to every inch of you, cause I know. Oui, il y a eu deux titres de Maroon 5 à la suite sur RTL 2. RTL 2 vous invite au concert de Maroon 5 à New York. Allez, wow. On rappelle celle ou celui qui a été le ou la plus rapide au standard jeu d'RTL 2 à nous joindre. Si ça sonne chez vous, c'est plutôt bon signe. Première sonnerie. Allô ? Flavie. Oui ! Oh là là ! C'est pas vrai ! Bonjour Flavie. Bonjour Rusty, bonjour Greg. Bonjour Flavie, bienvenue dans le double expresso RTL 2. Ça va, on vous dérange pas? Je pleure. Non, alors Flavie, avant de pleurer, oh, c'est mignon. Oui. Vous faites quoi le 14 octobre prochain? Vous allez voir. Je suis désolée de vous avoir eu les oreilles. Non, non, mais de toute façon, les tympans, c'est très surfait, vous savez. Hein. Flavie, pour vous, le vol aller-retour Paris-New York à bord de l'Airbus A380 avec Air France, l'hébergement et puis bah, bien sûr, deux places pour le concert de Maroon 5 au Madison Square Garden. Ça sera le 14 octobre. Vous allez partir avec qui? Je vais partir avec ma meilleure amie Audrey, qui est aussi fan que moi des Maroon 5. Et, bah, voilà. Et en plus, en première partie, il y aura Julia Michaels, qui ne gâche rien à ce concert. Donc bravo Maroon 5 en concert à New York avec Air France et RTL 2. L'Airbus A380 vous attend. Bravo, bravo, bravo. Merci. Flavie. Et Flavie, on vous embrasse, on vous félicite. Et Flavie, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso. Écoutez, le double expresso RTL 2. Allez, on enchaîne, nous, Justine, après nos émotions, avec l'horoscope du jour. On est le mardi 26 juin. Flavie part à New York le 14 octobre prochain. On attaque avec les médailles de bronze et les béliers. Vous n'avez pas une seconde à vous. Ne tirez pas trop sur la corde. Les lions. Vous vous reposez trop sur vos lauriers. Il serait temps de vous réveiller. Balance. Vous êtes un peu trop négligent avec vos finances ces derniers temps. Faites attention. Médaille d'argent maintenant avec les taureaux. Vous avez envie de vous amuser ce matin. Votre bonne humeur est communicative. Gémeaux. Votre charme fait des ravages, les gémeaux. Vous vivrez de beaux moments aujourd'hui. Cancer. On se fie à vous en toutes circonstances, vous êtes une personne de confiance. Vierge. Vous aurez bientôt une opportunité professionnelle qui vous emmènera vers de nouveaux horizons. Les scorpions. Vous êtes attentionné, c'est votre entourage qui en profite. Sagittaire. Votre sourire fait plaisir à voir, vous avez bonne mine. Les capricornes. Vous avez du charisme, cela vous aide à vous sortir de toutes les situations. Verseau. Tout le monde est au petit soin pour vous, que c'est agréable. Et la médaille d'or du jour, c'est pour ? Pour les poissons. Okay. Les planètes sont alignées pour vous aujourd'hui. Vous ne recevrez que des bonnes nouvelles. Où va Flavie ? Elle va... Elle va à New York, Flavie, grâce à RTL. Le jeu se poursuit, hein, pour gagner vos invitations pour aller au Madison Square Garden. Applaudir Maroon 5. Ça fait plaisir de rendre les gens heureux comme génial. Ça, de bon matin. Genesis, Muse, Ed Sheeran et le winner du jour à suivre sur RTL 2. RTL 2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Portugal Domain. Alice Merton, vous l'avez entendu pour la première fois sur votre radio. RTL 2.

Et c'est encore un grand soleil qui s'annonce aujourd'hui sur tout le pays. Le bleu va s'imposer dès ce matin sur quasiment toutes les régions. On pourra avoir dans l'après-midi quelques passages nuageux du côté du territoire de Belfort, des Alpes et des Alpes du Sud. Deux ou trois nuages aussi, mais pas vraiment de mauvais temps à l'horizon. Et ils se dissiperont même en soirée. Le temps sera très beau partout ailleurs et ça va se confirmer jusqu'à la fin de la semaine. Du côté des températures, elles sont plutôt à la hausse. On a en ce moment 15 à Lille, 17 à Strasbourg, 19 du côté de Rennes, 17 pour Lyon et 16 à Toulouse. Et cet après-midi, on aura jusqu'à 32 à Bordeaux. 8h32, c'est le double expresso. Justine, on va parler de quelqu'un d'heureux dans le prochain winner du jour. Oui, notre prochain winner a gagné beaucoup, beaucoup d'argent grâce au foot et pourtant il n'a jamais touché un ballon. Ah, il y a une histoire de Paris là-dedans ou pas ? Malin. Bon, on en saura plus après Muse. Voici Tough Contagion dans le double expresso RTL 2. Fragments and scattered debris. Fall down alone, went to count it out. Pop me up before I black out. Withdraw before you're out of time. A clean slate and buried war crimes. RTL de Tough Contagion. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Alors, qui est ce winner qui a gagné beaucoup d'argent grâce au foot sans jouer au foot ? Ah, les garçons, écoutez bien, vous allez être dégoûtés. Ouais. J'ai trouvé ça sur bfmtv.com. Dimanche soir, Jérémy, c'est notre winner. Il parie sur le foot, ok ? Ouais, bah lui aussi. Ouais. Il s'est offert donc le luxe de valider un pari. Alors, moi, j'y connais pas grand chose, mais un pari combiné de 12 matchs avec une cote complètement hallucinante, apparemment de 2403. Ah oui, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis plusieurs résultats possibles pour marquer et pour gagner. Il faut que tous les résultats soient justes. T'en mets plus t'en mets, plus ta cote est importante. Bon, en gros, c'était risqué, quoi. Voilà. Ah ouais. Il a misé 80 euros. D'accord. Sauf qu'il y a eu un but allemand à la 95e minute, une victoire extrémiste de la Suisse aussi face aux Serbes. In extremis. Donc il est passé par toutes les émotions et au final, il a reçu un chèque de 259 000 euros, 532,09. Eh ouais. 260 000 euros. Donc Jérémy, il a 30 ans, il est ouvrier de production et il a dit vouloir utiliser cette somme pour rembourser le crédit de sa maison. Il est trop heureux. Oui, bien sûr. C'est comme quoi la Coupe du Monde apporte des petits bonheurs. Hein. Je rappelle quand même que j'avais mis un partout, moi, entre l'Allemagne et la Suède, ils marquent à la 95e. Hier, victoire du Maroc 2-1, ils prennent un but à la 94e. 1-0 pour le Portugal, ils prennent un but à la 93e. Donc Jérémy, t'es un poisseur, toi. Hein. C'est-à-dire que je suis très content pour lui, mais moi je suis jaloux parce qu'il fait des meilleurs pronos, pas parce qu'il gagne plus d'argent, tu vois. Ça, c'est pas grave. Mais t'es poisseur, mon Grégoire. C'est un truc de fou, ces arrêts de jeu. Ça me rend dingue. Écoute-moi, moi je fais des bons paris. J'ai dormi sur le palier. Dis-moi, ça te rend dingue, Coupe du Monde, tu sors. J'ai pris un carton rouge, Justine. C'est Genesis, I Can Dance, dans le double expresso RTL de 8h37. Hot sun, beating down, burning my feet, just walking around. Hot sun, making me sweat. Gators getting close, hasn't got me yet. Aujourd'hui, c'est le mardi 26 juin, c'est la Sainte Anthelme. Alors, on l'embrasse, hein, je dis bien au singulier, parce qu'il n'y en a pas deux en France. Oh, je ne suis pas sûr. Écoute, peut-être, j'en connais pas. Vous connaissez des Anthelmes? Non, non, pas, a priori, pas non. Dans l'immédiat. C'est surtout aujourd'hui l'anniversaire de... Douchka, les enfants. Eh oui. Bon, ça vous dit rien, vous êtes des trentenaires. Bah si, quand même, ça nous parle. Deux noms. Eh, Douchka. Si, je vois bien. Pour le tout jeune quadra que je suis, Douchka, l'égérie de Disney dans les années 80 à 55 ans. Ça te fait un petit coup de vieux là? Ah bah c'est que ça met une énorme pêche dans le front, on va pas se mentir. On va écouter Ed Sheeran et U2 et jouer à la banque RTL2 dans quelques secondes. Merci d'être là. Salut, c'est Tonton Z. Quoi?

double expresso de 6h à 9h sur RTL 2. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give. Perfect à 8h59 en moins 10, si vous préférez. C'est RTL2. C'est l'heure de la banque RTL2. Jérôme, bonjour. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Et coucou Jérôme, ça va? Bon, ça va super, la forme, je suis content de vous avoir. Nous aussi. Plaisir partagé, vous êtes depuis Meaux. Et alors, qu'est-ce que vous faites comme métier? Parce que j'ai l'impression que vous voyagez beaucoup, vous, hein? Ah, oui, eh bien, je suis hôtesse de l'air, voilà, je travaille dans les avions puisque je suis navigant. Ah ouais, vous êtes steward en fait, c'est ça le nom? Exactement, exactement. Et vous faites quoi, des longs voyages, des courts voyages, c'est quoi votre truc? Du long courrier le monde entier. Et vous étiez où la dernière fois par exemple? Alors mon dernier vol, eh bien j'étais à Houston. Ah oh, ouais, génial. Dans le Texas, bien. Allô, c'est un beau métier, allô. Hein. Ouais, c'est chouette, oui. C'est plutôt sympa. Très, très beau, très beau. Bon, je sais que vous êtes un grand fidèle d'RTL2, un fidèle du Double Expresso. On vous en remercie, Jérôme. Vous allez pouvoir gagner de beaux cadeaux. Alors, même si vous voyagez beaucoup, on peut vous offrir la Grèce à nouveau avec Eliade pour 2500 euros. Mais là, c'est le séjour, c'est pas juste le vol. Il y a d'autres choses, hein, Justine. Vous avez aussi des iPhones, des appareils photo, des consoles et surtout jusqu'à 10 000 euros à gagner. Bon, eh ben, on y va. Attention au coffre vide, ok, Jérôme? Oui, allez, top allez, on chrono. Est parti. Allez, bonne chance. Let's go. Merci. Coffre 1. Une montre Suunto. Alors, une montre connectée. Non, j'ai déjà. Ok, allez. Coffre 2. Une console Nintendo NES Classic Mini. Petite console, non. Coffre 3. Allez. Des lacets. Des lacets. Non, j'en ai déjà. Oui, coffre 4. 300 euros à dépenser sur le site netatmo.com. Des objets connectés pour la cuisine. J'ai déjà. Non. Coffre 5, j'ai compris. Un séjour au parc Astérix. Allez, la prochaine. Coffre suivant. Un lecteur Blu-ray. J'ai déjà. Il reste 20 secondes, Jérôme. Coffre 7. Un smartphone Redmi Note 5. Un nouveau smartphone parfait pour faire des selfies de valeur 200 euros. Non, le prochain. Coffre 8. Oh là là là là. Oh, y a... Le coffre vide. Hey, je fais bien le bruit du bateau. Ah ouais, on y est là. Franchement. Mais bah, imagine, t'es sur. Jérôme. Oui. Je vais atténuer votre déception. Imaginez, vous êtes sur un quai là. Je fais bien le bateau. Eh oui, c'est ça. Ouais. Je crois qu'il s'en fiche, Jérôme là. Bon, Jérôme. J'essaie de remonter le moral à Jérôme comme je peux. On vous offre un tracker d'activité My Coach Pulse de Be Well Connect, plus un Vanity, mes premiers produits Mustela, et on rajoute un mug du double expresso RTL2. On a laissé passer 2000 euros de cadeaux. Je suis désolé, Jérôme, mais merci d'avoir été là. Tant pis, ça a été un plaisir de vous avoir. Mais vous pouvez nous rappeler au 3928 pour rejouer, bien sûr, Jérôme. Hein. Évidemment. Bien sûr, je le ferai. Bon, on vous embrasse très fort. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso avec un sucre. Dans le double expresso RTL de 8h55. Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Il vend à peine un peu moins de place que U2 quand il se produit, mais ça joue à quoi? Rien. À quelques millions près. Rien, un chouïa. Jonathan O'Donnell, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Greg, bonjour Christine. Comment ça va? Ça va bien, il est temps que tu revisites l'actu. On va commencer avec de l'économie. L'Europe a décidé de riposter aux taxes de Donald Trump en imposant des droits de douane sur les Harley-Davidson, le Bourbon et les jeans. Donc je peux vous dire que ça va leur faire bizarre aux bikers de conduire en scooter en Bermuda, tu vois, ça va être un peu... c'est pas la même image. C'est moins rock, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu moins rock, exactement. Dédicace à Zégut, je l'imagine très bien d'ailleurs, scooter en Bermuda. Bah oui, je le vois très bien, notre Zégut, moi. Ça fonctionne. Hey, tu l'imites très bien, le bruit du bateau. Oui. Nickel. Qu'est-ce que t'as avec les imitations ce matin? Allez, on enchaîne, petit fait divers. Un chat a allumé les plaques de cuisson et a mis le feu à un appartement en Indre-et-Loire. Voilà, enfin. Ça, c'est un peu insolite. Et encore, heureusement que le chien a appelé les pompiers, sinon ça aurait été plus grave. Je vous le dis, tout est géré par des animaux en Indre-et-Loire. Et puis on continue à parler d'animaux, puisqu'un TripAdvisor pour dénicher facilement un mode de garde pour vos animaux va être lancé cet été. Ah, bonne idée. J'imagine déjà les commentaires. Accueil chaleureux, mais la texture des rideaux m'a abîmé les griffes. Ouais, signé Candy Minette du 92. Ils vont noter, c'est normal. Si vous êtes contacté par un chat en Indre-et-Loire, vérifiez votre détecteur de fumée, du coup. Hein, oui, jamais, forcément. Parce que ça met le feu partout. Merci, Jonathan. À demain, 6h55.